reconnu ou pas? Le style. J'suis toujours pas dans les tabloïds. Quad 9 à Paris, comme sur l'Atari. Ça se renvoie les balles, style Arcanoï. Tu repars avec une arcade horrible. Si tu payes pas le tarif, madame ne veut pas de calories. Je réserve une petite table au Ritz. Règlement de compte, masqué. Et c'est pas Halloween, je réponds pas à Louis. Si tu m'appelles en masqué, t'aspect, t'es ma favorite. Prenons le café, puis le classé. Allons faire du shopping à Louis. Plus qu'épanoui, grâce au cash, oui. On l'a fait hier soir, je ne sais pas combien de fois. Ta femme a joui, plein de fois. La musique m'aime bien, je crois, car elle m'a souri. En cas d'ennui, appelle mon avocat. Karim H, oui, oui, viens me voir, porte plein de voir. Quoi? Tu préfères quoi quand on la page? Oui, 15 fois, plein de choix, difficile à faire, je m'ennuie à mourir. Ben quoi? Si d'ici la fête, je peux être disque d'or, 5 fois, et c'est pas pour rire, n'essaie pas de courir. Après ma go dans le train, ça finit en dépôt d'empreinte, 5 doigts, bon, tu vas me pourrir. En plus, tu veux pas me lâcher, toi et moi ça ne peut pas marcher, même si tu bosses à courir. Et j'ai pas d'outils, je veux tout réparer, mais j'ai pas d'outils. Quoi? Tu préfères nous voir séparés? Pas de soucis, jacuzzi, dans le calme, avec ta cousine, je te l'ai dit. Dans le cadre, c'est dans le panier, pas comme Richard Dacoury. Dans le casque, c'est du lourd, pas du dégueulasse pourri. Je vais pas m'éterniser là, j'ai juste un visa touriste. Je dois rien à personne sauf à celle qui m'a nourri. J'aime l'argent depuis tout petit, selon ma nourrice. Oh, dans ce cas, faut du bif, comme Pascal Obispo. Tu veux mon 06, mais en ce moment, je suis pas trop dispo. Il me faut les euros que j'ai rapiqués. Quelques polos de marque et 2-3 hauts de marque. Trop de rêves pour finir en cauchemar. Fait, je prends mon temps, j'arrive en sifflotant du marque. Faut pas que t'oublies, traîne pas trop de hors-piste. Si tu fais trop de hors-piste, tu finis dans l'état choumi. Si t'es pas trop sportif, l'état te met à genoux vite. Éduqué par Katsumi, tu passes ta vie sur l'ordi. Je vous l'ai dit plein de fois, dans cette vie faut monnayer. Je mets tes dents sous mon oreiller, la petite souris vient me voir. Sans sortir, sois pas trop déçu, secours. Sans mentir, l'état c'est sans vampire qui te suce le cou. On tient plus debout, c'est du 1 contre 3. J'ai une dent contre toi et mon dentiste accuse le coup. Perso, je nage encore au large, j'évite les flics qui disent la corona. Dans la corolla verso, je me sauve à la colonna. Ils veulent des sommes colossales, mais on fait pas de go fast dans une polo match. Sa vie dans la douleur, jusqu'à ce que le moteur casse. Pleuve pas, j'ai la couleur, avec la hauteur as. Le destin, mieux vaut éviter qu'il gifle. C'est mesquin, comme si Dieu d'eau habitait ville juive. C'est du lourd, mais bon, l'entendez-vous, je prépare le coup parfait. Allongez-vous par terre, si vous entendez boum, ça part en couille. Featuring ton épouse, fais-lui la coupe barthèse. Comme ça, personne lui cherchera des poux, hein. T'as reconnu le style ?